Section 29 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 6, 4e partie. État intérieur de l'Église au XIVe et XVe siècle, par Émile Chénon. Affaiblissement du pouvoir pontifical. L'affaiblissement du pouvoir du pape, à la fois dans ses rapports avec les princes chrétiens et dans ses rapports avec l'Église, est le trait saillant de l'histoire ecclésiastique pendant la période que nous venons d'étudier. À l'égard des princes chrétiens, on sait quelle théorie dominait dans la période précédente. Le pape, chef religieux incontesté de la chrétienté, ne s'était pas contenté de cette supériorité spirituelle. Il avait cherché, et était parvenu en partie, à se faire regarder comme le suzerain général des rois. Cette théorie fut la première attaquée. Pendant tout le XIVe siècle, les légistes la combattent, elle lui oppose la théorie de l'indépendance respective des deux puissances spirituelles et temporelles. Les conflits du XIIIe siècle n'avaient guère porté que sur les limites de la juridiction ecclésiastique. Mais, avec la querelle de Boniface VIII et de Philippe le Bel, il s'était étendu jusqu'au rapport même de l'Église et des États. Les démêlés de Louis de Bavière avec le Saint-Siège. La dispute de Vincennes en 1329, la composition du Songe du Verger sous Charles IV constitue les épisodes divers d'une même lutte. Avec le grand schisme d'Occident, la théorie des rois ne pouvait manquer de triompher, car la suprématie pontificale allait se trouver attaquée non plus seulement sur le terrain temporel, mais même sur le terrain spirituel. Pendant le schisme, en effet, par suite de la difficulté de savoir à quel pape il fallait obéir, les fidèles dans bien des pays avaient cherché à se passer d'eux, en fait et en droit. En fait, par les soustractions d'obédience ou les déclarations de neutralité, en droit, par l'élaboration d'une théorie nouvelle, attribuant aux évêques et aux conciles une partie des pouvoirs jusqu'alors reconnus au Saint-Siège. Pendant tout le XVe siècle, le clergé et les rois se partageront entre deux systèmes exagérés tous les deux. L'un, que l'on pourrait appeler le système de la monarchie pontificale, donne au pape des pouvoirs illimités. Il n'a jamais été réalisé dans la pratique. L'autre, que l'on pourrait appeler le système du gouvernement épiscopal, proclame l'indépendance des évêques et ne reconnaît au souverain pontife qu'une primauté d'honneur. Il a inspiré au concile de Constance et de Bâle leur doctrine erronée touchant la supériorité des conciles généraux sur le souverain pontife. Les papes de la période précédente avaient, il est vrai, trop restreint les pouvoirs des évêques. Mais la théorie nouvelle tombait dans un autre excès en restreignant trop les pouvoirs des papes. Il eût fallu en cette matière se tenir dans la voie moyenne et respecter les droits de chacun. C'est ce qu'avait compris Nicolas V lorsqu'il adressait en 1447 aux envoyés des princes allemands ces paroles dictées par une vue claire des choses. Les pontifes romains ont étendu leurs bras trop loin. Ils ont fini par enlever aux évêques presque toute leur autorité. Mais aussi les pères de Bâle ont trop lié les mains au pape. Après tout, il n'en pouvait être autrement. Quiconque commence par faire des choses indignes de soi est contraint de subir à son tour l'injustice. Souvent, l'homme qui veut redresser un arbre le jette du côté opposé. Pour moi, j'ai pris la ferme résolution de ne point empiéter sur les droits des évêques, dont la mission est d'avoir une part dans le gouvernement de l'Église. Je ne connais qu'un seul moyen de maintenir inviolable l'autorité du pape, c'est de respecter dans chacun la part de pouvoir qui lui revient. Ce langage, sage et modéré, se faisait entendre trop tard. La doctrine antipapale, qui ne fut condamnée nettement qu'en 1516, au 5e concile œcuménique de Latran, avait eu le temps de produire ses fruits. Elle avait contribué d'abord à perpétuer le schisme, c'est-à-dire une des causes de la corruption du clergé, et empêché ensuite la papauté, obligée de lutter pour la vie, de s'occuper, comme elle l'avait fait au XIe et XIIe siècle, de la réforme de l'Église. Voyant le pape impuissant, les princes, d'une part, les doctrinaires de l'autre, étaient intervenus. Des princes en publiant des pragmatiques plus ou moins orthodoxes, comme celle de Bourges, ou en concluant avec le pape des concordats plus ou moins respectés, comme celui de Vienne. Les doctrinaires en semant ça et là des hérésies nouvelles. Les pragmatiques et les concordats, qui édictaient pour certains pays des règles particulières, tendaient à l'établissement d'églises nationales, dominées par les rois, ce qui d'un côté favorisait l'avènement des pouvoirs temporels absolus, et de l'autre menaçait l'unité constitutionnelle de l'Église. Les hérésies, gerbes de discorde future, menaçaient en outre son unité morale. Au XVIe siècle, la réforme protestante devait réaliser ces deux menaces à la fois, en détachant de l'unité catholique des États entiers. Ce qui précède prouve que depuis près de deux siècles, ce résultat se préparait. Les hérésies. Parmi les hérétiques, qu'on peut considérer plus particulièrement comme les précurseurs de Luther et de Calvin, il convient de citer Jean Wycliffe et Jean Hus. Les doctrines et la vie de Wycliffe sont mêlées trop étroitement à l'histoire intérieure de l'Angleterre et celle de Jean Hus à l'histoire de la Bohême pour que l'exposé n'en soit pas renvoyé au chapitre consacré à ces deux pays. Il nous suffira de constater qu'après la mort de Wycliffe en 1384, ses partisans, les Lollards, continuèrent pendant quelque temps de propager ses doctrines. Mais, condamné de nouveau au Concile de Constance et poursuivi énergiquement par Henri IV, 1413-1422, l'hérésie wycliffiste ne put se développer en Angleterre. Elle trouva en Bohême un terrain plus favorable. La Bohême, où Pierre Valdez s'était réfugié quelques années avant sa mort, 1197, était depuis ce temps travaillée par l'hérésie. La répugnance des Tchèques pour la liturgie latine et la fondation, 1348, de l'Université de Prague, où Allemands et Tchèques vivaient dans un antagonisme déclaré, avait contribué à la répandre en imprimant à l'Église de Bohême des tendances particularistes. On verra plus loin comment ces tendances, avec Jean Hus, aboutirent à l'hérésie déclarée et avec ses héritiers à une guerre qui ébranla l'Allemagne et toute la chrétienté d'Occident, la guerre des Hussites. Après la conclusion de la paix, le nom de Hussites disparut insensiblement pour faire place aux dénominations d'ultraquistes ou de calixtins, c'est-à-dire qui communient sous les deux espèces ou avec le calice. Les ultraquistes ne tardèrent pas d'ailleurs à se scinder de nouveau. Les uns revinrent purement et simplement aux usages catholiques. Les autres se rapprochèrent des Vaudois pour former avec leur concours, sous le nom de frères bohèmes ou moraves, une secte nouvelle qui prit à la fin du siècle un certain développement. L'importance politique et sociale des erreurs de Wycliffe et de Hus relègue au second plan les autres erreurs de l'époque. On doit signaler pourtant la persistance ou la réapparition sur certains points de plusieurs hérésies de la période précédente. Celle des Vaudois, qui se répandent en Bohême et en Pologne, celle des frères et sœurs du Libre-Esprit, ou Schwestriones, que l'on retrouve au XIVe siècle sur le Rhin, notamment à Cologne, celle des Lucifériens, qui reparaissent en 1336 à Angermünde, dans la marche de Brandebourg. Les ordres religieux au XIVe et XVe siècle. Les désordres matériels et moraux dont souffrait l'Église avaient atteint jusqu'aux ordres religieux. À l'exception des Chartreux, qui avaient conservé l'austérité de leurs règles, tous avaient dégénéré. Les moines bénédictins menaient une vie facile et commode dans les monastères riches et désertaient les monastères pauvres. Les moines mendiants passaient leur temps en luttes interminables, tantôt entre eux, tantôt avec le clergé paroissial, dont ils devaient être les auxiliaires et dont ils étaient devenus les rivaux. De temps à autre, un abbé ou un évêque réformateur essayaient de rétablir dans un monastère ou dans un diocèse la discipline primitive. Il échouait le plus souvent et parfois même risquait sa vie. Les papes durent intervenir. Benoît XII s'occupa d'abord des bénédictins qu'il chercha à réorganiser complètement. Par la constitution dite Benedictina, il les fondit en un seul ordre, qu'il divisa en 36 provinces, dans chacune desquelles devait se tenir tous les 3 ans un chapitre provincial. Cette tentative n'eut pas de succès, et les congrégations particulières subsistèrent. Il s'en établit même de nouvelles, notamment celle de Bursfeld, fondée en 1433 en Allemagne par Jean de Minden, abbé de Cluse, près de Gandersheim. Grâce à l'influence de Jean Rod, abbé de Saint-Mathias de Trèves, mort en 1439, la congrégation de Bursfeld rattacha bientôt à sa réforme un grand nombre de monastères de Saxe, de Westphalie et des pays rhénans. Le concile de Constance en 1417, Nicolas de Cusa, légat du pape en Allemagne en 1450, encouragèrent ses efforts. Mais la réforme resta localisée. Le concile de Bâle encouragea de son côté la réforme des chanoines réguliers, entreprise par le chapitre général de l'ordre tenu au couvent de Windesheim dans les Pays-Bas. Certains chanoines de la réforme de Windesheim exercèrent une action salutaire sur les diverses communautés d'hommes et de femmes de leur ordre, notamment Jean Buch, mort en 1479 en Saxe, et vers la fin du XVe siècle, Jean Mauburn et Rainer Kuttgen en France. Parmi les franciscains, la scission qui s'était produite après la mort de Saint Bonaventure entre les frères conventuels et les frères spirituels avait cessé un instant au commencement du XIVe siècle, par suite des mesures rigoureuses prises contre les spirituels par le pape Boniface VIII. Elle reprit sous Clément V, qui excommunia les récalcitrants. Sous Jean XXII, elle s'aggrava à tel point qu'une partie des spirituels, sous le nom de Fraticelli, allèrent jusqu'au schisme et prirent contre le pape le parti de Louis de Bavière. Il fallut mettre fin aux dissensions des franciscains, les diviser en 2 ordres distincts, l'ordre des conventuels et l'ordre des observantins ou franciscains de la stricte observance. Cette division donnait satisfaction aux 2 tendances, modérées et rigoristes, qui dès l'origine s'étaient manifestées parmi les fils de saint François. Les Carmes, qui étaient entrés en lutte à l'occasion du grand schisme, se scindèrent de même sous Eugène IV en Carmes conventuels et Carmes de la stricte observance. Le spectacle du relâchement ou des querelles intestines des anciens ordres religieux inspira aux âmes pieuses qui voulaient trouver dans le cloître une diversion aux tristesses de leur temps ou simplement mener une vie plus parfaite et plus retirée, l'idée de fonder soit de nouveaux ordres monastiques, soit de nouvelles associations religieuses. Parmi les ordres nouveaux d'hommes, on trouve, au XIVe siècle, l'ordre des Olivétains, institué en 1313 par le professeur Jean Tholomeille, sous le nom de Congrégation de Notre-Dame du Mont Oliveto, près de Sienne, est soumis en 1319 par Jean XXII à la règle de Saint-Benoît. Puis, à Sienne même, l'ordre des Jésuites, voué par leur fondateur Jean Colombini au soulagement des pauvres et des malades. Approuvé par Urbain V en 1367, l'ordre resta, jusqu'au XVIIe siècle, une simple congrégation des frères laits, rangée parmi les ordres mendiants et suivant la règle de saint Augustin. À la même époque, et avec la même règle, on vit se former en Espagne et en Italie, sous le nom de Hiéronymite, diverses congrégations d'ermites, dont la plus importante fut établie en 1370 par Pierre-Fernand Pécha, chambellan du roi de Castille, Pierre le Cruel, et confirmée peu après par Grégoire XI. L'Ordre du Sauveur, fondé en 1363 à Vadstena, Suède, par Sainte Brigitte de Suède, est répandu surtout dans le nord de l'Europe, était un ordre mixte. Comme celui de Fontevraud, il avait des monastères doubles d'hommes et de femmes, dont l'abbesse de Vadstena était la supérieure générale. Au XVe siècle, il faut encore signaler, pour les hommes, la création de l'ordre des Minimes, organisé par saint François de Paule vers 1457 et approuvé par Sixte IV en 1474. Pour les femmes, l'institution à Rome de l'ordre des Oblates par sainte Françoise romaine, 1433, et la fondation à Bourges de l'ordre de l'Annonciade par sainte Jeanne de Valois, épouse délaissée de Louis XII et duchesse du Berry, 1500. Quant aux associations religieuses ne constituant pas des ordres monastiques proprement dits, la plus importante était celle des clercs et frères de la vie commune, établie en Hollande par Gérard Groot de Deventer, mort en 1384, dans le but d'aider à la réforme du clergé. Cette association, qui suscita bientôt une société similaire de femmes, les sœurs de la vie commune, suivait une règle analogue à celle des moines, mais sans faire de vœux, ce qui lui attira de la part des ordres mendiants des attaques assez vives. Pour y mettre un terme, le successeur de Groot, Florianus Radevijne, fonda en 1386 à Wittesheim ce couvent de chanoines réguliers de Saint-Augustin, dont il a été question plus haut, et en fit le centre de diverses congrégations des frères et sœurs de la vie commune. Ces congrégations rendirent de grands services au XVe siècle. On leur doit, entre autres hommes remarquables, Thomas A. Kempis, décédé en 1471, l'auteur probable de l'Imitation de Jésus-Christ, et Nicolas de Cusa, mort en 1464, qui fut élevé à Deventer même et qui joua un rôle si important au Concile de Bâle à Constantinople, en Allemagne et dans l'histoire des sciences. Citons enfin l'association Sui Generis des Bégards et des Béguines. Déjà nombreux au XIIIe siècle, principalement en Belgique, les Bégards et Béguines s'étaient répandus ensuite en Allemagne, en France, en Italie. Ils vivaient ordinairement rassemblés dans de vastes communautés où chacun avait sa petite maison et qu'on appelait des béguinages. Ils ne faisaient que des vœux temporaires et ne suivaient, à proprement parler, aucune règle. Ils assistaient seulement en commun à certains offices. Mal protégés par cette discipline insuffisante, les béguinages d'Allemagne tombèrent dans le désordre, adhérèrent à l'hérésie des Schweistriens et furent condamnés par le Concile de Vienne, 1311-1312, qui supprima en principe l'institution. Elle ne disparut cependant pas. Les béguines, en effet, se rattachèrent au tiers-ordre de Saint-Dominique ou de Saint-François, et Jean XXII les accepta sous cette forme. Quant aux bégards, ils se divisèrent en deux catégories, l'une orthodoxe, l'autre hérétique. Boniface IX autorisa la première et condamna la seconde, 1394-1395. Ainsi réformés, les béguinages se maintinrent dans plusieurs pays jusqu'à la réforme. On ne les trouve plus guère aujourd'hui qu'en Belgique. Ces créations nouvelles d'ordre monastique ou d'associations religieuses prouvent que la vie spirituelle n'était pas morte dans l'Église au XIVe et XVe siècle. Mais il faut reconnaître qu'elle s'était affaiblie. On ne saurait comparer les efforts plus ou moins pénibles faits pour la conserver ou la développer et l'ardeur enthousiaste de la période précédente. Le culte et la prédication. La foi aussi s'était affaiblie, conséquence naturelle d'une longue série de troubles. L'abandon de la communion fréquente, dont l'auteur de l'Imitation tenta vainement de ranimer l'usage, était général. Beaucoup de prêtres ne célébraient plus que très rarement la messe. Au début du XIVe siècle, les synodes de Ravenne, 1314, Tarragone, 1317, Tolède, 1324, durent leur enjoindre de la célébrer au moins deux ou trois fois par an. Les pénitences publiques ont entièrement disparu, et les effets de l'interdit sont adoucis. Boniface VIII permet de dire la messe les portes closes, d'administrer les sacrements, de célébrer des offices publics cinq fois par an, de prêcher une fois par semaine et d'enterrer les morts en terre bénite. En revanche, les fêtes chômées augmentent en nombre. Celles de la Trinité, de la Visitation, de l'Immaculée Conception sont établies au XIVe siècle. Les indulgences deviennent plus nombreuses et plus faciles. Ainsi, Boniface VIII, en célébrant en 1300 le grand jubilé, avait fixé la période jubilaire à 100 ans. Clément VI l'a réduit à 50 ans, Urbain VI à 33, Paul II à 25. Certaines pratiques bizarres apparaissent. Telles sont par exemple les processions dansantes, comme celle d'Esternach, et ces processions de flagellants qui s'étaient déjà montrées sur quelques points au XIIIe siècle, mais qui reparurent avec une sorte de frénésie dans presque tous les pays et à diverses reprises, notamment de 1348 à 1350, lors des ravages de la peste noire, en 1399, lors de la terreur turque, etc. On doit signaler encore comme un trait caractéristique de l'époque un engouement maladif pour les sujets lugubres et une terreur puérile du démon. Les fameuses danses macabres du Moyen-Âge commencent au XIVe siècle à se glisser partout, dans les tableaux, les vitraux, les sculptures. C'est aussi à la même date qu'apparaissent ces procès de sorcellerie et de magie, dont Jeanne d'Arc, l'incarnation du patriotisme chrétien, fut au XVe siècle l'une des plus touchantes victimes et qui devait prendre au siècle suivant un si lamentable développement. Ces pratiques et ces craintes superstitieuses étaient le résultat d'une même cause, l'ignorance religieuse profonde où le peuple était tombé. On ne peut nier pourtant les efforts faits par l'Église pour la dissiper. Les prédicateurs étaient plus nombreux que jamais. Seulement, ils prêchaient mal. Sous l'influence de l'enseignement scolastique des universités, ils avaient perdu cette chaleur communicative qui faisait encore au milieu du XIVe siècle le succès des dominicains allemands, Toller, mort en 1361, et Suso, mort en 1366. Leurs sermons, hérissés de citations latines ou grecques, bien qu'ils fussent toujours prononcés devant le peuple en langue vulgaire, étaient devenus des disputes d'école, froides, arides, subtiles, dont l'effet était presque nul. Il y eut toutefois d'éclatantes exceptions. Le dominicain espagnol Vincent Ferrier, mort en 1419, le franciscain italien Jean de Capistan, mort en 1456, l'infortuné Savonarole, mort en 1498, et le cordelier breton Olivier Maillard, mort en 1502, possédaient une éloquence entraînante dont l'histoire a gardé le souvenir. Mais quelle que fût leur renommée, ils ne pouvaient obtenir que des résultats partiels. Ce qu'il eût fallu, c'était une réforme complète, là comme ailleurs. Fin de la section 29.